Vous écoutez France Inter, il est 17h07 et je vais reprendre les propos de Jean-Yves Courcial. Il pèse aussi sur la tendance. Bonsoir Charline et Alex. Bonsoir Hélène Chevalier. Vous savez qu'on est très inquiet, évidemment, du cours du casino. Oui, c'est le casino. Eh oui, parce que c'est comme ça que notre invité appelle la bourse. Et oui, et vous voulez savoir qui est notre invité, bien sûr. Ben oui. Eh bien, on en a parlé ce matin abondamment dans la conférence de rédaction. Écoutez, soyez attentive et je vous dis à demain, Hélène. À demain. Salut Charline. Bon, aujourd'hui, on a Philippe Torreton. Oh, il est beau. Enfin, c'est surtout un grand comédien. Ah, ça oui, ça c'est vrai. Il est un type engagé. Et en plus, il est beau. Oui, ça va. Surtout, il donne bien son avis. Par exemple, il aime pas l'exil fiscal. Et ça, c'est emmerdant pour vous, je vais vous dire. Ah, vous avez un compte en Belgique, je vous rappelle. On est belge. Ça va falloir le prouver d'ailleurs. Et puis, il aime pas trop les gens de droite. Et ça, c'est emmerdant pour vous aussi d'ailleurs. Pardon. On n'est pas de droite. Va falloir le prouver aussi. Je vous signale. Arrête. Non, mais de toute façon, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est le comédien impliqué. Et puis en plus, c'est beau. On s'en fout. Je veux dire, c'est que le mec, il peut jouer Tartuffe le soir et démasquer Tartuffe la journée. Ça, c'est hyper balèze. Ouais, enfin, avec la gauche, c'est surtout en attendant Godot. Hein. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Il arrive jamais, Godot. Ah, j'ai compris. C'est pas mal. Mais quoi ? Je vais voir en attendant Godot ce week-end, j'ai les places. Eh ben, c'est super. Mais c'est super, tu viens de me donner la fin, il arrive pas. Pardon, mais non. T'aimerais, toi, que je donne la fin des trucs que tu vois le week-end ? Non, mais ça n'a rien à voir, Alex. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tiens, vas-y, dis. Ah, bah si, je voulais louer un DVD et voir Docteur Jivago. Docteur Jivago, Omar Sharif, il crève à la fin. Il est beau, tant mieux Omar Sharif, regarde Laurence d'Arabie. Mais fais gaffe parce que Peter O'Toole, paf, il crève à la fin. Non, mais j'ai pas vu Laurence d'Arabie. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est pas la fin, c'est le chemin parcouru par le personnage. Comme pour Hollande en fait. Il est beau, François Hollande. Là non. Il va pas bien. Il meurt à la fin. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui met l'actualité sur écoute. Et voici les trois informations choisies par Paul Bismuth, des informations qui seront mises en examen jusqu'à 18h. Podemos, le petit frère espagnol de Syriza, vient enfin de dévoiler son programme. Figurez-vous qu'avant même les élections, les rebelles de la politique espagnole ont déjà édulcoré leurs propositions. La révolution est comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Oh, Che Guevara. Nos élites se considèrent-elles au-dessus des lois ? D'après le dossier de Marianne cette semaine, elles pensent disposer d'un sens moral inné. Oui, si nos élites ont l'immunité, c'est donc contre les abus, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez, mon cher ? À l'heure actuelle, on ne peut plus se conduire en gentleman sans friser les 200 billets. Le pari de Laurent Fabius a un peu trop bien réussi. Une délégation de 6400 touristes chinois a débarqué d'un coup hier à Paris. J'ai peur des Chinois ! J'ai peur des Chinois ! Eh ben c'est trop tard. Ils sont entrés dans Paris. Et pour obtenir des renseignements sur ces informations, je suis accompagnée d'OSS 118, Alex Vizorek. Il est encore pire que l'autre. Bonjour Charline Vanhoenacker et autour de la table, à 17h20, l'homme qui n'y connaît rien en sport mais qui donne son avis sur le sujet, il y comprend tellement rien qu'il serait capable d'attribuer la Coupe du Monde de football au Qatar, Monsieur Samir Bouadi. Bonjour, quel accueil, ça fait plaisir. Je vais parler de Messi aujourd'hui. Un tout petit bonhomme qui joue bien au football. Ah, celui-là, vous le connaissez, ça c'est bien. À 17h30, l'homme qui n'y connaît rien à rien, mais qui est en quête de savoir. Donc il pose les questions les plus basiques. Par exemple, pour le Qatar, il aurait demandé : dites, c'est pas un peu idiot de jouer au foot à 50 degrés ? Oui, c'est Guillaume Meurice. Oui, c'est vrai. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi aujourd'hui, je me suis intéressé aux statistiques de Robert Ménard sur les enfants musulmans dans les écoles de Béziers. Alors moi, je pensais naïvement que c'était de la stigmatisation. Mais en fait, au FN, on m'a dit que non. C'est pas du tout pour les stigmatiser, au contraire, c'est pour les aider. Ah voilà, j'étais bête aussi. On n'y pense pas à ça. Vous êtes le seul qui posait les bonnes questions dans ce métier. À 17h40, celle qui sait tout sur tout, et c'est même ce qui fait son charme, il est impossible de la prendre à défaut. Surtout en littérature, et c'est pour ça qu'elle ne parle jamais de littérature qatari, puisque ce pays ne connaît pas plus de Victor Hugo que de Zidane, enfin surtout que Victor Hugo, c'est plus difficile de lui graisser la patte. Notre princesse du désert, Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex, c'est de plus en plus long. Oui, mais c'est parce que c'est pour vous. On va parler d'érotisme avec une anthologie brûlante. Vous parliez du Qatar. Eh bien, chaleur. Chaleur aussi sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook pour tisser du lien virtuel. Car nous aimons aussi le vivre ensemble. mais virtuel. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous entrez à la Comédie-Française en 90, c'est l'année de libération de Nelson Mandela. Vous recevez le César du meilleur acteur pour Capitaine Conan en 97, quand Chirac dissout sa crédibilité en même temps que l'Assemblée nationale. Vous êtes élu conseiller de Paris en 2008, l'année où Nicolas Sarkozy choisit le Salon de l'Agriculture pour lancer sa plus célèbre réplique, Castor Pauvron. Mais vous êtes, je vous laisse nous le dire. Philippe Torreton. Oui, bienvenue. Bravo. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Philippe Torreton, vous publiez « Cher François, lettre ouverte à toi, président ». C'est paru chez Flammarion. Alors aujourd'hui, la justice a validé les écoutes de Nicolas Sarkozy, qui est beaucoup écouté, notamment aussi par Buisson. Enregistré. Et vous écrivez dans votre livre « Ce qui ne risque pas d'arriver à Hollande, c'est d'être enregistré par un Buisson d'extrême-gauche ». Et là, il y a une chronique avec un concentré de tout ce que vous avez sur le cœur contre François Hollande. C'est-à-dire que dans cette chronique-là, elle est un petit peu résumée, la substantifique moelle de tout ce que vous lui reprochez, tac, tac, tac, comme un tir de mitraillette. Hein. Sûrement, ouais. Vous les lisez ? Pardon ? Vous allez les lire ? Non, les lisez. c'est vous qui l'avez lu, nous on est belges. On peut, par exemple, que l'écologie restera lettre morte en France, que tu n'arriveras pas à décider le patronat à s'engager sur un nombre précis d'emplois créés grâce à un pacte de responsabilité. Enfin, finalement, c'est marrant, j'ai l'impression toutes que j'ai un peu raison, non ? Oui, c'est... Alors, vous lui dites en substance, soit en colère, comme nous le sommes finalement. Mmh. Alors, devant cette placidité et cette inaction, vous pensez que le président, vous auriez préféré un président qui se mette aussi en colère et qui agisse bien sûr, mais la colère, est-ce que ça doit être un moteur pour un président ? Oui, je pense, oui. Bah, l'abbé Pierre le disait. Aussi. Alors, on n'est pas obligé d'afficher cette colère, mais que le moteur premier intime soit la colère, oui, la colère contre l'injustice, contre la pauvreté, contre les répartitions des richesses dans le monde, oui, ça doit, contre l'exil fiscal qui nous fait perdre 600 milliards d'euros par an, alors qu'on demande 50 milliards d'économies aux Français, oui, une colère, une vraie colère. Après, il faut être diplomate dans ce métier, forcément. On peut pas être dominé par cette colère. Mais que de... ce soit l'intime, le moteur, j'ai envie de dire presque l'énergie, j'allais dire le fuel, mais en ces temps, ce serait pas bien. Dans les traités de pouvoir du Moyen-Âge, il est dit que la colère est ça fait partie de la panoplie de l'homme puissant. Mais sans colère, il n'y a pas de puissant. Mais bien sûr, sinon on vit... Moi, c'est ce que j'ai l'impression d'ailleurs, que notre société est un peu comme ça, où tout se réduit, tout se vaut, il y a du bien et du... Les idées ne sont plus clivantes, on voit bien que la gauche et la droite sont d'accord sur des trucs, on se déchire sur 2-3 détails. Et finalement, quand quelques-uns parlent, tout de suite on les qualifie de donneurs de leçons, de grandes gueules, etc. On diminue, on amoindrit comme ça la parole politique. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a quelques années encore, des artistes, on était quand même un peu plus nombreux comme ça à s'investir dans le débat d'idées, à droite comme à gauche. Et puis il y avait, bon, c'était surtout à gauche, c'est vrai, mais quand je... C'est pour ça que je démarre avec cette anecdote sur Renaud, la chanson L'Hexagone, et des jeunes acteurs de la troupe de Cyrano, pardon, ne la connaissaient pas. Ou mal. Ah oui. Et était étonné de voir les virulences de cette parole. Et je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui a disparu comme ça ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et Renaud n'était pas un chanteur underground. Il était... C'était le Matt Pokor, on peut le dire. Mais il passait à Champs-Élysées, etc. Enfin, c'était pas... Guillaume Meurice. Moi, j'aime faire un peu l'avocat du diable, parce que je crois que je suis dans les grandes lignes d'accord avec vous. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour sortir ce bouquin ? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour faire un bilan du quinquennat ? Parce qu'après tout, il lui reste 2 ans. Et si ça se trouve, vous parlez de l'écologie. Bon, il y a la conférence climat. Voilà. Ah, mais bien sûr. Mais gardons espoir. Mais bien sûr. Mais tout va changer. Mais Guillaume, vous allez êtes socialiste. Non, mais je dis bon. Après je tout. Reviens quand vous voulez sur certaines antennes pour me battre la coulpe avec une joie, mais alors insensée. On sent que ce livre est notamment l'un des symboles de la crise d'identité des sympathisants de gauche. Quand même. Et c'est pour ça que cette lettre est adressée à François Hollande aussi. Parce que... Oui, oui et non. C'est aussi les lettres. Être d'un citoyen qui écoute et qui a le malheur de croire en ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que Hollande, j'en attendais pas grand-chose entre nous. C'est simplement, pas l'impression mais il a que vous fait donnez. Le discours du Bourget. Voilà. Il a dit mon ennemi, c'est la finance. Il a dit droit de vote des, mon adversaire. Des étrangers extra... Il n'est pas aussi dur que ça. Mon adversaire. Ouais. C'est vrai. Toujours. Je me fais l'avocat de François Hollande. Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit le droit de vote des étrangers extra-communautaires aux élections locales, par exemple, qui a été abandonné, je vous signale, par M. Cazeneuve himself, le lendemain des européennes avec le score du Front National. C'est comme un message. C'est je vous ai compris. Oui, oui. Voilà. C'est des choses comme ça qui font que je réagis. Oui, à la génération précédente, il y a eu les déçus de Mitterrand. Là, on a les déçus de Hollande. Est-ce que c'est pas difficile de mettre en pratique une politique de gauche qu'on a bien vendue à l'avant-élection quand on est au pouvoir? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit pendant les périodes électorales. C'est pas une foire à tout. Ouais. C'est pas la foire de Paris, une campagne électorale. Non, mais c'est le dilemme de la Ve République. S'ils disent pas ça, ils sont pas élus. Donc c'est le dilemme d'attendre un homme providentiel. Mais c'est à nous de responsabiliser ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est une vigilance citoyenne de dire, moi je n'attendais rien de toi, mais tu as dit ça. Et pourquoi vous le tutoyez? Parce que tout le monde se tutoie. Parce que tout le monde se tutoie avec une hypocrisie comme ça. Dire. Et en politique, à droite et à gauche, et entre droite et gauche, on se tutoie. Oui. On va avoir l'occasion d'en reparler, puisqu'on va parler de Podemos et Syriza. Évidemment, il y a des liens connexes. Et vous donnez quelques exemples particuliers. Et vous dites, je rêve qu'un jour on choisisse un lycée pour la qualité de son orchestre classique ou la qualité de ses spectacles. Et bien, bientôt, la qualité de ses stand-up, sans doute. Vous êtes sur France Inter. Run DMC, c'était en 86, vous n'étiez pas encore entré à la Comédie Française. Philippe Torreton, qui publie Cher François, lettre ouverte à toi, président, si tu nous écoutes, aux éditions... On annule tout si tu nous écoutes. Oui, exactement. Bien, ton réton, allez. Paru chez Flammarion. Autour de cette table, Alex Vizorek. La comédie de France Inter avec du Samir Bouadi, du Guillaume Meurice et la brillante Clara Dupont-Mono. Et nous, Alex Vizorek, nous avons dévoré la presse et je vous avoue qu'on n'a pas tout bien digéré. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Franck Louvrier, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, mis en garde à vue dans l'affaire des comptes de campagne. Franchement, la malchance de ce Nicolas Sarkozy. Être un type aussi intègre et découvrir comme ça dans la presse qu'on est entouré que de gens qui ne le sont pas, ça doit être terrible. Il doit vivre ça comme un coup de poignard dans le dos, cet homme. Et en parlant de coup de poignard, on apprend dans Le Point que pour le 82e anniversaire de Jacques Chirac, Bernadette n'a pas voulu inviter son ami Jean-Louis Debré. Ouais, mais bon, comme il est venu quand même, Jacques Chirac l'a installé juste à côté de lui à table. En effet, il a cru que c'était Pompidou. Oh, ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Et en fait, comme Bernadette n'était pas contente du tout, elle a été, elle, s'installer à l'autre bout de la table et n'a pas adressé la parole à Debré. Ah oui, mais ça c'est un coup de Chirac pour faire diversion. Il a installé Debré à côté de lui pour être certain que Bernadette ne lui cause pas le soir de son anniversaire. C'est peut-être ça, il s'est fait un cadeau à lui-même. Toujours d'après Le Point, l'ex-président des jeunes de l'UMP, je sais pas si vous vous souvenez de Stéphane Tiki, craint de tomber dans l'oubli. Oui, c'est, oui, ça fait rire, c'est ça. Tiki, c'est le Mais ça nous rappelle le coup d'éclat de notre ami. Il avait été écarté parce qu'il était sans papier. Et l'un de ses aînés à l'UMP lui a donné un conseil. Il lui a dit, il faut que tu envoies régulièrement des cartes postales pour qu'on ne t'oublie pas. Ah ouais, notez, quand on n'a pas de papier, c'est pratique les cartes postales. Et qui lui a donné ce conseil, Alex? Eh bien, c'est Jean-François Copé. Les conseils de Jean-François Copé pour réussir en politique, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est un petit peu comme si Véronique Jeunesse vous donnait des filons pour rentrer à la Comédie Française. Tant qu'on tient Copé. Oui, hein, oui, tenons Copé. Je reviens à l'affaire Big Malion. On apprend aussi aujourd'hui, c'est dans l'Obs, que des factures du mariage de Copé auraient été payées par des prestataires de Big Malion. Ah bah dis donc. Ouais, mais avec qui s'est marié Copé? Jean-François, voulez-vous prendre pour épouse la magouille ici présente et lui jurer fidélité, ce jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le jure. Ah, quand Copé dit « je le jure », on peut le croire. Hein. On peut le croire, effectivement. Oui. On termine par une petite nouvelle dont vous avez le secret. Mais oui, ça j'aime toi entendre un petit peu plus léger. Dans la version allemande du Juste Prix, une candidate a participé, c'était très touchant parce qu'elle était en fauteuil roulant. Elle était venue, cette dame, elle était amputée des deux jambes et elle a joué au Juste Prix. Voilà. Ah, et elle a gagné. Et elle a gagné. Et vous savez, au Juste Prix, quand on va comme candidat, on ne sait jamais vraiment quel jeu on va faire et qu'est-ce qu'on peut gagner. Et bien la Vénarde, elle a gagné un tapis pour faire de la course à pied. Ah. Comme quoi, on n'a pas tout digéré non plus. C'est ballot, hein, c'est ballot. Jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise avec Philippe Torreton. On aborde le premier sujet. On connaissait les partis qui édulcorent leur programme après avoir été élus. En Espagne, le parti né d'un mouvement citoyen, les indignés, rappelez-vous, un Podemos, édulcore son programme avant l'élection. Les rebelles carburent à la tisane. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. C'est Alain Chabat dans les nuls. Voilà. Les régionales en Espagne, c'est déjà le 24 mai. C'est la chute qui va arriver. Je comprends. Je comprends. Le régional en Espagne, le 24 mai, il était donc temps que Podemos présente enfin son programme. Il ne l'avait pas encore fait. C'était des beaux discours pour l'instant. Eh bien, entre les discours et le programme imprimé, il y a quelques différences. Il y a ce qu'on appelle en France ce joli mot, rétropédalage. Alors, Philippe Torreton, d'habitude, quand même, ça se passe après les élections. Ça prenons Syriza, voilà, ils ont été élus. Bon, sur la dette, ils sont prêts à des petits arrangements. Podemos, c'est juste avant les élections. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si même le mouvement citoyen né des indignés commence à faire comme tous les autres partis politiques, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Oui, il y en a. Mais ce qui se passe, c'est que le combat est très rude, très très rude, et qu'on n'imagine pas la force des forces en présence, de la puissance du lobby de l'argent. Et je pense que oui, il y a une... Moi, j'ai pas envie de me moquer ni de Syriza ni de Podemos. Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent dans une Europe absolument dédiée totalement... prostituée à la finance, vraiment. Je regardais encore récemment le taux de chômage. 52% de chômeurs chez les moins de 25 ans en Espagne et en Grèce. les taux de suicide qui augmentent. Alors que des gens, oui, aient des programmes un peu trop idéalistes par rapport à la réalité de ce qu'ils peuvent faire, de leur marge de manœuvre, ça je le conçois totalement. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, et je pense que c'est un combat tellement inégal, tellement inégal. Mais finalement, inégal. C'est ce que vous reprochez à Hollande aussi. Hollande, il avait annoncé des choses, qu'il allait déclarer la guerre à la France. Il y a moins tromperie, puisqu'ils édulcorent le programme avant. Avant, oui, mais Syriza annonce. C'est quand même mieux. Après, est-ce qu'ils vont être suivis au moment des élections? C'est autre chose. Mais effectivement, je suis d'accord avec Clara, c'est beaucoup moins mensonger que le discours du Bourget d'Hollande. Et alors, il y a un autre aspect aussi médiatique. Il y a un des leaders de Podemos qui s'appelle Monedero, qui a quitté le parti parce qu'il avait des petits soucis fiscaux. Donc là, ça rappelle aussi les partis traditionnels. Il s'appelle comment ? Monedero, ça veut dire, je pense, porte-monnaie en espagnol. Non, voilà. Podemos n'a plus le temps. Alors, il dit, Podemos n'a plus le temps de se réunir avec des petits cercles, et de faire vivre donc ce qu'ils sont, le mouvement citoyen, parce qu'une minute à la télévision est plus importante. Alors, ils sont aussi absorbés par ce système où, évidemment, pour se faire entendre, il faut consacrer une minute à la télévision plutôt qu'une réunion publique, sans doute. Vous avez connu ça, vous aussi, comme conseiller de Paris. On vous interviewe et on s'intéresse peut-être moins au fond, mais plus à la forme. Ah ben, on ne s'intéresse pas du tout au fond. Moi, quand j'étais élu en campagne électorale, on ne m'a posé aucune question politique. J'étais représentant du 9e arrondissement. Vous n'aurez peut-être pas invité. Pardon ? Si vous n'étiez pas Philippe Torreton, vous n'aurez peut-être pas invité à la télé. Vous n'aurez pas eu cette minute. Oui, sûrement. Mais c'est quand même incroyable qu'on en parlait tout à l'heure hors micro, mais cette absence de débat, cette absence on ne pose pas de questions. Ou quand on en pose, on se contente vite d'une réponse, comme j'ai vu Pujadas en face de Bachar el-Assad. Qui laisse dire que la France soutient le terrorisme. C'est un peu exagéré. On voit une petite moue comme ça, mais c'est incroyable de laisser dire des choses comme ça. C'est le traducteur. C'est un peu le haut du panier de ça. Mais au quotidien, c'est comme ça tout le temps. Je me souviens de collègues à vous, pardon, je prends un peu de temps, mais qui avait interviewé Mitterrand à propos des écoutes. Deux journalistes. De la RTBF. Voilà. Il pose une question. Mitterrand ne répond pas. Il botte en touche. Il repose la question. Il dit, ah bon, je ne savais pas que l'émission allait s'enfoncer dans la fange, etc. Et il repose une troisième question en disant, peut-être qu'on s'enfonce dans la fange, mais en tout cas, vous n'avez pas répondu. Et là, il se lève, il prend le micro, il s'en va. Alors bien sûr, ils n'ont pas eu la réponse, mais c'est un acte. Il n'a pas voulu répondre et des centaines de milliers de téléspectateurs ont pu voir que le président français avait refusé catégoriquement de répondre à une question. Donc vous trouvez que les journalistes font mal leur travail ? Très mal. Absolument. Et toute cette colère de Philippe Torreton. À France Inter, M. Raffarin, dire ça fait des années qu'il faut réformer cette maison de la radio, qu'il faut la moderniser. Mais moderniser quoi, comme je l'ai dit chez Nagui ? Moderniser quoi ? C'est les meilleurs techniciens du monde ici. Le meilleur matériel, les meilleures prises de son, c'est les meilleurs enregistrements de concerts, de jazz, de classiques du monde. Il n'y a qu'à la BBC, et encore, qu'on a cette même qualité de résultat. Et parmi les meilleurs techniciens du monde. Et on laisse dire. Nous avons aujourd'hui Benjamin de la Gâtinais et Alain Gadon. Oh, mais eux, ils sont régie. Pas terribles. Non, ils sont pas les meilleurs. Et on les salue. Et toute la colère de Philippe Torreton est dans Cher François, paru chez Flammarion. Et justement, ce dont vous venez de parler, on va avoir l'occasion d'en reparler avec nos élites qui se croient au-dessus de toutes les lois. Mmh. Et là, c'est le moment de Samir Bouadi à 17h30 sur France Inter. Samir. On part sur les terrains, c'est ça ? Oui, on va parler un peu de football. Ben oui, un petit peu, ça va. Là, voilà, parenthèse, comme ça, c'est magnifique d'entendre Philippe Torreton. Ça nous fait beaucoup de bien, je tenais à vous le dire. Ben moi, je vais vous parler de Messi. Alors, c'est quoi Messi, hein ? C'est quoi ? Alors, c'est un jeune homme qui joue au foot et qui joue pas trop mal au foot, à tel point que nombreux sont ceux qui... Vous avez bien bossé, ça. Merci, chronique suivante. Fini, c'est terminé. On est nombreux à penser donc que celui-là de Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Quand on dit tous les temps, on induit de fait que le temps s'est arrêté et qu'il n'y aura pas de demain. On arrête l'histoire, on se dit que c'est fini, on fera pas mieux. Alors tout ça, c'est d'un pessimisme crasse, mais qu'est-ce que vous voulez quand on aime ? On arrête de compter. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose parce que les bons comptes font les bons amis et les meilleurs amants. Enfin, je dis ça, j'ai rien dit. Bref, Messi donc, Lionel Messi. Alors, un Argentin, il est né en 87, il a donc 27 ans et il a déjà 4 ballons d'or consécutifs. C'est-à-dire qu'il peut encore en gagner 1, 2, voire 3. Avec lui, tout est possible. Je rappelle qu'un ballon d'or, c'est l'équivalent d'un Molière du foot. Qui aurait sans doute mérité un Molière, mais qui a préféré s'en tenir à la postérité. Ce qui me fait dire que quand on a vraiment quelque chose à dire, on le dit longtemps, même quand on ne parle plus. Alors, voilà, donc Messi, alors, donc c'est le plus grand joueur de tous les temps, c'est ça, c'est un génie, un vrai génie qui, contrairement à Molière, n'a pas attendu l'éternité et sa chambre d'écho pour faire résonner un stade. Alors, autre différence entre Messi et Molière, Molière n'a pas gagné beaucoup de thunes. avec le théâtre. Alors avec le foot, je sais pas, faudrait demander à Philippe, il le connaît mieux, faudrait s'enseigner. Mais alors c'est quoi Messi? C'est donc un tout petit bonhomme qui contribue à sa façon à la célébration facile et pas et toujours inquiétante en tout cas pour moi, des gens de petite taille. En effet, qui n'a jamais entendu cette phrase ridicule, les grands de ce monde sont souvent petits. Al Pacino, Napoléon, De Funès, Michel Jaunis, un copain d'enfance. Ce constat étonnant, pétri d'une condescendance évidemment charitable, profite surtout aux gens de taille normale qui veulent se dédouaner à peu de frais. Hein. Genre, j'ai une vie de merde, j'ai un boulot pourri, j'ai pas donné de souffle à mon destin, je suis un traîne savate veule qui sourit bêtement quand mon patron éternue et fait une bulle avec son nez, et je porte des chemisettes jaunes et une gourmette à la con tellement lourde que j'ai une scoliose, mais tout ça, c'est pas de ma faute, je suis pas né petit, alors j'ai pas eu à me battre pour m'en sortir. J'ai eu de la chance, voilà. La vérité, c'est que les grands de ce monde sont parfois de taille normale, voire grands, mais ça ne se voit pas vu que rien les distingue du reste de la population. Dans ce cas, dans le cas de Lionel Messi, pardon, l'histoire est formelle. Il a vraiment failli finir plus petit, encore plus petit que ce qu'il est aujourd'hui. Gamin, on peut pas jouer avec des talonnettes. Bah c'est ça. Gamin, on lui trouve un drôle de saloperie qui lui flingue le moral et ses hormones de croissance. Ça s'appelle, je vous le dis comme ça, un déficit hormonal. Un truc qui n'a rien à voir avec le trou de la sécu, mais dont le remède coûte une blinde. Du coup, les parents de Messi sont face à un dilemme. Alors je vais vous jouer les parents, ça sera plus simple pour comprendre. Le père Messi. Ah la vache, on va faire comment? On peut pas le laisser comme ça, il est tout petit, faut revendre la maison. La maman de Messi, en même temps, il est mignon, hein, on s'en fout. Le papa, non mais attends, tu vas voir quand il aura 75 ans. Une tête de vieil sur un corps de Playmobil, ça va pas le faire, quelle classe. La maman, mais on s'en fout, on sera plus là pour voir ça, c'est pas notre problème. Le papa, chéri, ne le prends pas mal, mais t'as toujours le don d'argumenter de ma comme une conne, finalement. Voilà. La mère, répète ce que tu viens de dire, répète ce que tu viens de dire, répète juste une fois ce que tu viens de dire. Bon, on a affaire à des Argentins, le tango, le sang chaud, tout ça. Bref, dans la famille Messi investit dans un traitement hormonal très coûteux, tellement coûteux qu'ils arrêtent très vite d'investir finalement. Hein. Mais comme le gamin a beaucoup de talent et que très tôt tous les clubs du monde le veulent, le clan Messi part à Barcelone. Le club paiera le traitement et Messi deviendra le plus grand joueur de tous les temps. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le cas Messi. D'un point de vue stylistique, Messi est un miracle. On a d'ailleurs longtemps comparé son jeu à celui d'un autre Argentin pas très grand, Diego Maradona, véritable divinité en Argentine et ailleurs, sorte de Che Guevara du ballon. La comparaison est tellement tentante qu'on a considéré Messi comme le fils putatif de Dieu. Alors je rappelle que putatif ne se dit pas d'une prostituée qui aurait beaucoup de cheveux, mais désigne le doute, le pas certain, le supposé. Messi, donc, fils de Dieu, rien d'anormal finalement, sauf si on est athée et qu'on se pose des questions existentielles dès lors qu'on entend parler d'Immaculée Conception, ce qui est mon cas. Mais dans les temps qui courent, parler de religion, c'est un peu compliqué. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, là, Messi, bah, tout va bien, parce que Messi, tout ce qu'il fait sur le terrain, finalement, ça nous donne envie d'aimer le football hein, et de s'intéresser au génie, parce qu'on passe notre temps à s'intéresser aux cons finalement. Alors... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bah 90 minutes à regarder le feu-follet mettre de la vie là où se meurt le sens, bah c'est pas plus mal. Oui, parce que le foot c'est la futilité élevée au rang de science exacte et que sur le gazon toute foutaise prolifère comme une improbable mauvaise herbe que le bon peuple fume histoire de s'aveugler, histoire d'oublier que son destin ne lui appartient pas ou qu'il n'en a pas tout court. Les grands de ce monde sont de toute petite taille et en fait non, ils sont de toutes les tailles. Mais ils se cachent où les grands de ce monde, les vrais, hein? Où est le sauveur? Pourvu qu'il nous vienne un homme aux portes de la cité, comme dirait Jacques Brel. Le football de Messi a l'avantage de ressembler à autre chose qu'à du foot. Le corps de Messi est une cohérence, une précision, un point de couture ultime posé sur la trame des hommes en tissu flottant. Le corps de Messi appartient au reste de l'humanité. C'est le don ultime. Parce que le talent, c'est l'oubli de soi. Parce que Messi, c'est Louis Jouvet. Parce que Messi, c'est Laurent Terzieff. Je ne m'intéresse pas, disait le grand Laurent Terzieff. On a bien compris que Messi ne s'intéresse qu'au foot, au point que le foot ne s'intéresse qu'à lui, au point qu'il est devenu le foot, à moins que ce ne soit l'inverse. Merci Samir Bouadi. Le foot élevé au rang philosophique, poétique et théâtral. Vous avez tiqué sur Jouvet et Terzieff. Non. Pas du tout. J'imaginais Terzieff en short. C'est autre chose. Philippe Torreton est avec nous sur France Inter. On va retrouver Guillaume Meurice juste après Corinne Bailey Ray. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Hesitate. Your Records on Corinne Bailey-Ray sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Philippe Torreton qui publie Cher François, les lettres ouvertes au président de la République, qui reçoit beaucoup de lettres par ailleurs, paraît-il. Semblerait. Hein. Oui, c'est paru chez Flammarion. On va parler avec vous de divers sujets, des Chinois à Paris, de nos élites. Mais avant cela, je vous présente Guillaume Meurice. Enchanté. Qui fait du comique d'investigation avec un sujet tendu aujourd'hui. Un petit sujet tendu, puisque je vais vous parler de statistiques ethniques. Alors nous ici, on s'y connaît, hein, vous avez vu, on a deux Belges, plus Clara, hein, une Française de souche, enfin de souche aristocratique, mais de souche quand même. Et puis on a Samir, hein, qui comme son prénom l'indique, est né en Algérie. Non, je suis né à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, dans le 50. Ouais, d'accord, bon, Samir, il veut être précis, il est un peu chiant. Bon, alors, c'est pénible. Il est né à Nancy, donc c'est une ville de Kabylie, il me semble. Petite Kabylie, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai rien contre ça, hein, contre ce brassard. Moi, je m'appelle Meurice, comme l'hôtel qui a accueilli les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le goût des autres cultures, de l'accueil, chez les Meurice, ça nous parle. Mais celui qui est devenu maire de Béziers avec le soutien du Front National, Robert Ménard, ça lui parle beaucoup moins. Il a même clairement avoué avoir établi des statistiques pour déterminer le nombre d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Des statistiques basées sur le prénom des élèves. Alors c'est un procédé quelque peu étrange. J'ai donc contacté des gens du Front National. Alors mon référent à moi dans ce parti, mon Florian Philippot si vous voulez, c'est Xavier Sainty. Je vous en avais déjà parlé ici, rappelez-vous, c'est le crooner qui chante ça. Ô divine Marie, ô visage d'un ange, tu sais lire la détresse dans nos cœurs. Voilà, coupe. Voilà, coupe un petit peu. Voilà. Un peu de droit d'auteur. Un petit peu de droit d'auteur. Voilà. Essuyez-vous le sang qui coule de vos oreilles. Et poursuivons. Donc, Xavier Sainty, il avait forcément un avis sur le fichage des élèves. Moi qui nous fiche tous, vous voyez bien, ça me choque pas du tout qu'ils nous fichent, même tous. Est-ce qu'on peut savoir quand même des choses sur les gens en fonction de leur prénom ? Bah écoutez, moi je côtoie tout le monde, moi je côtoie des gens là qui sont d'origine arabe et tout, qui sont très gentils avec moi, donc je peux pas les juger. Ah bon, des gens d'origine arabe sont même gentils avec Xavier Sainty. Bon, Xavier pourrait même aller à Nancy, hein, dans la péninsule arabique, je vous rappelle. Eh bien les gens, ils seraient gentils avec lui quand même. Mais Xavier, il vit un drame personnel, il n'a jamais vraiment rencontré le succès avec ses chansons. Pourquoi ? Eh ben j'avais une hypothèse. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun Xavier qui est devenu un chanteur célèbre. Non. Ah ben voilà, ça explique peut-être pourquoi vous n'avez pas percé. Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Les gens, ils m'adorent quand je vais chanter. Moi, je serais prêt à mesurer à n'importe qui pour chanter. Ah bon ? Même Lady Gaga ? Non, je parle pas de ces chanteurs-là. Ah. Je parle des chanteurs de charme ou des chansons à texte. Quoi. Ah oui, d'accord, des chanteurs de son domaine, pardon, bien évidemment. Mais on s'éloigne. Hein. Rapprochons-nous du sujet et de Béziers. J'ai contacté Marie-Christine Aubert. C'est la secrétaire départementale du FN dans l'Hérault. Et elle a une théorie sur les propos de Robert Ménard. Aller sur les plateaux, télévision et tout, ça fait beaucoup de choses. Donc à un moment donné, il doit fatiguer. Et puis, de temps en temps, quand on est fatigué, on dit une bêtise, quoi. Ah, c'est parce qu'il était fatigué, vous pensez? Il travaille les samedis, les dimanches, il n'arrête pas, quoi. Oui, mais il y a plein de mères qui sont très fatiguées et qui n'en profitent pas pour faire des statistiques ethniques sur les élèves de leurs écoles. Non, mais réellement, je ne pense pas qu'il le fasse. Ah bon, alors si le gars, il ne fait pas un truc complètement débile, mais qu'il se vante d'avoir fait un truc complètement débile, c'est encore plus débile, hein, excusez-moi. En tout cas, c'est contradictoire. Mais Marie-Christine, elle n'est pas d'accord avec ça. Ce qui est contradictoire, c'est de dire une chose et son contraire en même temps, pas à deux moments différents. Ah, on a le droit de dire quelque chose et son contraire, si c'est pas au même moment? Non, mais si c'est dans deux contextes différents, ça peut signifier des choses différentes. Ah, ok, alors ça c'est vrai, ça dépend du contexte. Moi, quand je vois la police et que je leur dis « vous êtes tous des fils de pute », eh ben quand je m'en retrouve au commissariat, j'ai pas le même discours. Je dis « non, écoutez, non, j'ai pas de statistiques exactes sur les professions de vos mamans, non, je suis pas au courant ». Donc c'est contradictoire, mais il faut remettre dans le contexte, ok? Vous suivez ça? D'accord. Bon, rapprochons-nous encore de Béziers avec une proche de Robert Ménard cette fois-ci, la conseillère départementale Front National de l'Hérault, Isabelle Desgarets. Alors, elle est très favorable aux statistiques qui disent qu'il y a beaucoup de musulmans à Béziers parce qu'il faut... le dire pour... ben, peut-être d'abord pour... parce qu'il y a beaucoup de clandestins qui inscrivent les enfants dans les écoles. On voit pas bien le rapport avec la religion, quand même. Le rapport avec la religion. Ben oui, parce que lui, il parle surtout des musulmans, mais des clandestins, ils sont pas forcément musulmans. Oui, peut-être. Oui, enfin bon, on n'est pas non plus à une approximation près au Front National. C'est pointilleux, Meurice. Oui, oui, oui. Parce que l'important pour Isabelle, c'est de dire que... cette réalité est à prendre en compte pour régler les problèmes correctement. Et il a vu cette réalité avec des prénoms. Voilà, oui, oui, oui, sans doute, oui. Mais vous, vous appelez Isabelle, donc vous êtes catholique? Moi, il se trouve que je suis catholique, mais je pourrais ne pas l'être. Vous vous appelez Isabelle. Effectivement, effectivement, on peut faire un amalgame, mais en général, quand même, c'est quand même ça. Mais de toute façon... Mais moi, j'ai un oncle qui s'appelle Robert, qui est très raciste. Est-ce que ça voudrait dire que les Roberts sont racistes? Oui, mais là, vous essayez de faire... on s'amuse pas à dire des choses comme ça pour rien. Non, on a bien compris que c'était pas pour rien. On a bien compris que vous vouliez en venir. Et ça nous amuse pas du tout. Toujours est-il que pour ces gens autoproclamés catholiques, leurs méthodes ne le sont pas vraiment. Merci Guillaume Meurice. On est ensemble jusqu'à 18h. On pousse les logiques absurdes jusque là où on peut. Mais je peux dire un petit truc. Allez-y Philippe Torreton. Il me semble qu'il y a quand même quelques années, pas si lointain que ça d'ailleurs... Noël, ma mère, a marié deux hommes avant la loi. À Bègle. Dès le lendemain, je crois qu'il était destitué, où il y a un processus mis en place. Là, c'est autrement plus grave. Autrement plus grave. Dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec des petits-enfants juifs. Mm-hmm. Pendant l'occupation. Et donc, il devrait être. J'attends avec impatience. Oui. La destitution de Ménard à Béziers. Il y a une procédure devrait, on ne peut pas être Premier ministre comme M. Valls et rappeler la République constamment. Il a les pouvoirs et tout de d'un faire. Coup, il a les pouvoirs de le faire. Qu'il le fasse là. Ouais. J'attends. On a lancé un appel. Vire-le. C'est grave. C'est autrement plus grave que marier deux hommes avant qu'une loi soit passée. Mais ce type est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Ah, c'est le concours Lépine de la connerie. Si Valls fait rien, c'est une autre catastrophe. Ouais, mais attendez, moi, ça me fait des chroniques, les gars. Donc, en même temps, c'est vrai. Allez, jusqu'à 18h, on pousse l'actualité dans l'escalier. Sujet 2, nos élites sont sans gêne. C'est la couverture de Marianne cette semaine qui cherche à savoir comment on en vient à dépenser, par exemple, 40 000 euros de taxi en 10 mois. Quand on préside l'INA, réponse d'un sociologue, les élites ont tout simplement une culture de caste. Pourtant, quand on y réfléchit bien, les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Les riches, la plupart du temps, ne sont jamais qu'une minorité de pauvres qui ont réussi. Les riches font une grande famille un peu fermée, certes, mais pour peu qu'on les y pousse, je suis sûr que les pauvres ne demanderaient pas mieux que d'en faire partie. Et cela m'a fait penser à un passage de votre livre, vous avez la dent dure. Vous dites par exemple, vous parlez du Sénat, presque tous les jours, une bande de délinquants installés dans le palais ont décidé de faire ce qu'ils veulent sans contrainte, sans devoir. La bande du Sénat sévit en toute impunité. Vous appelez les députés les bleu-bites de l'Assemblée et les poilus du Sénat. Ce sentiment d'impunité, de servir sur la bête. Bien sûr, parce que... ça fait partie de votre colère. Mais évidemment, parce qu'on crève de ça, et faut pas s'étonner d'une certaine radicalisation du vote aussi. Cette différence entre les discours et les actes, entre des émoluments parfois de certains des gens qui arrivent à cumuler des mandats comme ça, qui arrivent à atteindre plus de 10 000, 12 000 euros par mois comme ça, des gens indétrônables, indéboulonnables, qui sont dans des régions depuis 20 ans, 25 ans. C'est de la féodalité vraiment. Il faut vite moderniser ça. Il faut que... En plafonnant, par exemple, les dépenses ? Mais en plafonnant, je crois qu'en réduisant aussi. C'est quand même incroyable. Cette façon de distribuer de l'argent, tout d'un coup, on donne à des députés sur une cagnotte spéciale. Et je ne dis pas que c'est pas vérifié, etc. Mais qu'est-ce que c'est démocratiquement qu'une cagnotte ? Et en fonction de vos relations avec le président de l'Assemblée, de si vous êtes bien, on vous donne 150 000 euros pour une association dans votre région, etc. Un rond-point par-ci. Un club de pétanque. Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement ? C'est incroyable. Et je dis pas que c'est de l'argent qui vient de la mafia, etc. Je suis pas en train de dire ça. C'est juste le processus. Mais c'est ça qui est pire. Et on accepte des trucs comme ça. Et puis on se dit c'est. Alors faut pas s'étonner après qu'il y ait des 40 000 euros de taxi. Il y a une impunité, une vraie impunité. Faire une remarque de droite. Non parce que comme il y en a très peu, les deux auditeurs de droite aimeraient bien entendre ça. quand vous dites oui, il touche 10 000, c'est beaucoup. Si on ne paye pas cher les gens qui nous dirigent, est-ce qu'ils auront envie de nous diriger ? Est-ce qu'on n'aura pas la seconde qualité. Je peux vous assurer que oui. On aura des gens qui seront de toute façon beaucoup plus animés par leur tâche que par cette installation dans un monde comme ça, à la députation, le Sénat, etc. Alors, qu'il faut revenir à des vraies missions. Le deuxième argument des gens de droite, c'est de dire plus on les paye, moins ils sont corruptibles. C'est-à-dire que comme ils ont de l'argent... C'est exactement le contraire, parce qu'on est passé de la 22e place au classement des pays les moins corrompus à la 26e. Voilà. Mais ils vont vous dire, donc c'est exactement le contraire. Ils vont vous dire c'est parce qu'ils sont bien payés et du coup ils n'ont pas intérêt à accepter de l'argent. Que l'évasion fiscale fonctionne à plein rendement, là, malgré le fait que Michel Sapin soit enorgueilli d'avoir fait ramener 4 milliards d'euros, dis donc, c'est 0,7% de ce qui échappe aux deniers français. Et là on s'en réjouit, mais de qui se moque-t-on ? C'est une marge d'erreur 0,7% en statistique. Nous sommes avec un indigné qui s'appelle Philippe Torreton et son indignation se retrouve dans Cher François, publié chez Flammarion, et on parle de livres justement avec Clara Dupont-Moneau. Ça tombe bien. Et oui, Charline, puisque l'actualité, alors c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi la mise en examen d'un sexagénaire bedonnant. Voilà, il est là, dans Le Parisien, qui en fait se faisait passer pour un playboy sur les sites de rencontres. Alors il se faisait appeler Anthony, il a été prendre la photo d'un mannequin, un beau gars ténébreux, châtain aux yeux clairs, et il entretenait une relation épistolaire, entre guillemets, de mail avec les femmes. Il donnait rendez-vous aux femmes chez lui, dans le noir, c'était pour un jeu érotique, c'est ce qu'il disait, pour faire l'amour avec les yeux bandés, comme dans Fifty Shades of Grey, c'était comme ça qu'il présentait les choses. Il a couché avec quantité de femmes, du coup, depuis 2009, jusqu'au jour où l'une d'elles a allumé la lumière et elle a découvert qu'elle venait de coucher, pas du tout avec Anthony, donc de la photo, mais avec Michel, 68 ans, je cite, avec des lunettes un peu dégarnies, bien ridées. Bon, voyant quoi ? Il est accusé de viol quand même, hein, c'est pas rien. Alors, la littérature a un conseil pour Michel. Heureusement que la littérature est là. La prochaine fois, dit la littérature, abstiens-toi et écris. Écris des lettres brûlantes, sales, coquines, ça taillera un peu la tête et les femmes dormiront mieux. Et pour aider Michel, justement, un livre vient de sortir qui s'appelle « Lettres érotiques ». C'est une anthologie des correspondances les plus chaudes. Alex Vizorek a failli faire la préface et finalement il a renoncé. Mais ce sont les grands hommes vus du slip d'Henri IV à Paul Éluard, en fait en passant par Mozart. Alors déjà, on apprend quantité d'expressions que moi je ne connaissais pas personnellement, mais dans ces lettres, les femmes ont la praline en délire, le clicli en robe à traîne, et les hommes ont l'attirail à la redresse ou la tige au garde-à-vous. Et oui, parce que les mots de l'amour, non mais les mots de l'amour, c'est aussi l'amour de la langue. Ça va de pair. Alors par exemple, on a. Pas dire. Merci, Alex. J'étais sûr que vous releveriez, puisque pour l'instant, Meurice est hypnotisé. Alors par exemple, Mozart. Non, ça lui rappelle des lointaines contrées auxquelles il a renoncé depuis longtemps. Par exemple, Mozart, éperdument amoureux de Constance Weber, il s'enflamme. Et en fait, quand on lit ses lettres, on se rend compte que son phrasé, il fait pareil, c'est-à-dire qu'il s'enflamme. Je cite, « Dieu te bénisse, coquine, petit pétard, nez pointu, schluck and druck », ce qui signifie fruits et légumes. Et lorsque je l'y remets, je le fais glisser petit à petit en disant « stu, stu, stu ». Donc vous voyez, le langage jaillit c'est par... C'est hyper excitant quand vous faites ça. C'est la lettre de Mozart. Donc le langage jaillit par saccade, et donc la phrase épouse et secouse du corps, si oui, je puis me permettre. Oui. Alors notons permettez-vous, que... Oui. Je vous remercie. Oui. Notons que Mozart était tellement chaud lapin qu'il a quand même laissé son empreinte dans le vocabulaire sexuel, puisque aujourd'hui, le petit Mozart désigne le clitoris et un chaud lapin est qualifié de Mozart de la fourrette. Je suppose que je ne vous apprends rien. Alors, bah si, mais moi... Oui, voilà, Mozart de la fourrette. Alors attention, parce qu'il avait de qui, il avait de qui tenir, Mozart. On a retrouvé une lettre de sa mère, Anna Maria, qui écrivait à son mari, donc le père de Mozart, je cite, « Porte-toi bien, étire ton cul jusqu'à ma bouche, je te souhaite bonne nuit, pète au lit que ça craque. » Voilà, après tout, les chiens ne font pas des chats, donc c'est un peu normal. Alors, ce qu'il y a de beau avec, avec ces lettres, c'est qu'elles... c'est qu'elles incarnent physiquement l'être aimé, parce que c'est charnel, une lettre. Ça se touche, ça se hume, ça s'embrasse. Et d'ailleurs, j'ai embrassé ta lettre comme une personne vivante, écrit Claude Debussy à Lily Texier, que chaque phrase soit pleine de sons et de mots sales, supplie James Joyce à sa femme Nora. Alors je rassure quand même les libertins, c'est qu'il ne faut pas forcément être amoureux pour écrire des choses cochonnes. Oh. Quand, heureusement. Quand Gustave Flaubert est en Égypte, eh ben, il visite tous les bordels et il s'en donne à cœur joie avec les prostituées. Et d'ailleurs, ce qu'il aime dans ce pays, c'est que, je cite, « on avoue sa sodomie et on en parle à une table d'hôtes. Quelquefois, on y est un petit peu, tout le monde alors vous engueule et ça finit par s'avouer. » Voilà. Il est quand même revenu de l'Égypte avec de la syphilis. Avec la syphilis, il a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, soit une pyramide en plâtre, soit la syphilis. Voilà, merci Guillaume Meurice pour cette intervention indispensable. Alors, vous voyez, on n'est pas obligé d'aimer pour écrire des choses bouillantes. Restez, plutôt. On n'est pas obligé d'aimer donc pour écrire des choses bouillantes, mais on n'est pas non plus obligé de coucher. Hey, Guillaume, c'est pas une bonne nouvelle? Si. Théophile Gautier écrivait des obscénités à Apollonie Sabatier sans jamais l'avoir touché. C'est Charles Baudelaire qui a couché avec elle et ça a été un fiasco. Il aurait mieux fait de s'abstenir, Baudelaire. Donc, comme quoi, avec l'écriture érotique, pas de déception, pas de drame, pas de délit non plus, hein, Michel. Comme quoi, parfois, la littérature, c'est mieux que la vie. Je vous redonne les références. Lettres érotiques, c'est une anthologie présentée par Agnès Pierron et publiée aux éditions Le Robert. Merci Clara Dupont-Mono, édition Le Robert bien sûr, et non pas Les Roberts. Troisième sujet, Paris accueille ses premiers touristes d'entreprises de masse. 6400 salariés d'un consortium chinois ont débarqué hier à Paris. Ça représente 30 000 nuitées d'hôtel. En France, vous êtes combien? Un peu plus de 60 millions? Eh ben, je suis désolé, c'est juste un petit quartier de Pékin tout ça. Et vous imaginez si un jour nous on décide de tous débarquer en même temps en France? Mais on va vous niquer la gueule, hein. Et je pense que pour le fun, vous laisserez peut-être un petit quartier français. Ça vous dit le 13e? Il s'appelle Frédéric Chaud. Oui. C'est l'écho du jour de Philippe Lefebure ce matin dans la matinale, dans le 7-9, qui rappelle que l'an dernier, Laurent Fabius avait accueilli des touristes chinois à la descente de l'avion. Personne ne l'avait reconnu, parce que personne ne le connaît, évidemment. Sauf les Français, qui étaient agréablement surpris, qui est le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme. Stratégie payante, alors, Philippe, t'aurait-on ça? Est-ce que ça, c'est pas une bonne action? Une manne de 13 millions d'euros, 140 hôtels pris d'assaut par 6400 touristes chinois d'un coup, paf, comme ça, pour deux jours à Paris. Bah, de toute façon, là, on est prêt à tout. Hein. Faut trouver de l'argent. Donc, on est prêt à vendre des rafales au Qatar. Moyennant quoi, Air France se voit privée d'une ligne... Oui, 300 emplois directs, et tout, bon, voilà, etc. Donc on est prêt à vendre des avions d'une haute technologie secret défense à des gens qui ont financé Daesh. Donc à partir de là, plus c'est rien peanuts, vous étonne. Ça, c'est, oui, pas, ça, c'est moi, j'accueille avec joie les touristes chinois. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai. Juste petite précision, les Chinois se font détrousser en masse à Paris aussi. Un businessman d'origine chinoise a écrit Emmanuel Valls d'ailleurs pour lui dire son incompréhension face à la gestion d'une affaire simple de la police. Il s'était fait voler sa valise et il y a de plus en plus de, évidemment. Ça va de pair. Hein. Donc, peut-être que le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme peut se mettre de mèche avec le ministre de l'Intérieur. Ça va faire du boulot. Oui. Ça va générer des choses. S'ils pouvaient se parler en général, ce serait très bon. Oui, hein. Déjà. Et arrêter de se faire la gueule entre eux. Alex Vizorek, que vous proposez-nous? Alors, parce qu'aujourd'hui, j'inverse tous les mots. S'il y a un parti où on se parle, c'est le Front National. Philippe Torreton, depuis quelques jours, nous avons créé une telenovelas sur les affaires au Front National. Je vous ai proposé un rôle. Vous pouvez l'accepter. Zut. on y va, c'est le front de l'amour, pas n'importe quel rôle, vous allez voir. Hier, dans le front de l'amour, Jean-Marie a retrouvé des couleurs en parlant avec Marion, qui lui a présenté Robert de Béziers. Il a décidé de fonder une nouvelle entreprise pour concurrencer celle de Marine, que Florian dirige, sous l'œil suspicieux de Louis. Aujourd'hui, Jean-Marie décide d'aller voir son ami Jean Roucas. C'est votre rôle. Oh, non. Pour le convaincre, salaud, de l'aider. Ah, Jeannot, tu m'as manqué, Jeannot. J'ai une proposition à te faire. Je savais pas comment le prendre, Cédric. Ça tombe bien, j'ai besoin de travail. T'inquiète, Jeannot, j'ai un super plan. Poil au don. Oh, dites donc, Jean, t'aurais dû faire humoriste. Eh ben, bah en fait, Jean-Marie, il fut une époque où... Ouais, te casse pas, ouais, je comprends que ça n'a pas marché. Mais si, ça marchait, les gens m'aimaient. Ah, tu avais un travail et les gens t'aimaient. Pourquoi tu es venu au FN? Nous, on a les chômeurs et les frustrés. En fait, Jean-Marie, je peux pas tout te dire. Mais j'entends du bruit dans ta chambre. C'est moi, papa. Quoi? Marine, ma fille. Jean-Marie, tu es mon beau-père. Marine? Comment peux-tu, Marine? Je suis tombée amoureuse de Jean quand il m'a pris en levrette en imitant Chirac. Crac, crac, je suis Chirac. C'en est trop, je m'en vais. Papa! Marine va-t-elle quitter Jean? Florian va-t-il pardonner cet écart ou se lancer aussi dans l'imitation? Bruno Gollnisch va-t-il faire son coming out et déclarer son amour à Jean-Marie? Vous le saurez dans le prochain épisode du Front de l'Amour. Bravo! Vous n'avez pas de respect vis-à-vis qu'il a joué Cyrano de Bergerac. Il a joué Tchekhov et il a joué Jean Roucas. Il a joué Jean Roucas en lisant du Alex Vizorek. Et ça, c'est terrible. Philippe Torreton, merci parce que ça, vous avez donné de votre personne aujourd'hui. Ça vous ouvre des perspectives, hein, les deux ânes. Ben oui. Merci d'être resté avec nous, Philippe Torreton. Oui, surtout merci d'être resté. Je rappelle votre ouvrage, Cher François, Lettre ouverte à toi, Président. C'est paru chez Flammarion et vous rappelez notamment que la culture, ça génère 8,8 milliards d'euros de valeur ajoutée et qu'on a besoin. 6 ou 7 fois plus que l'industrie automobile. Et voilà, et que les Chinois. Merci, que les Chinois à Paris. Merci Philippe Torreton, merci à tous. Samir Bouadi, Guillaume Meurice, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Mathilde Amé, à qui on va sans doute faire jouer un rôle dans Les Fronts de l'Amour. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Et le mot de la fin, nous le laissons à Syriza, à Podemos et à toutes les gauches alternatives de la Terre en lesquelles nous mettons beaucoup d'espoir. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara.